The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. End of the year celebrations. Les fêtes de fin d'année. Cake of the Kings. La galette des rois. Quickly. Vite. First. D'abord. To cut. Couper. Here, to hand something to someone. Tenir. Fava bean. La fève. To choke. Étouffer. Now, a bit faster. Cake of the Kings. La galette des rois. Here, to hand something to someone. Tenir. Quickly. Vite. End of the year celebrations. Les fêtes de fin d'année. First. D'abord. To cut. Couper. Here, to hand something to someone. Tenir. Cake of the Kings. La galette des rois. First. D'abord. End of the year celebrations. Les fêtes de fin d'année. To choke. Étouffer. End of the year celebrations. Les fêtes de fin d'année. Fava bean. La fève. Here, to hand something to someone. Tenir. Quickly. Vite. To cut. Couper. Fava bean. La fève. Now, use the words in context. Vite. He answered very quickly. Il a répondu très vite. D'abord. I want to have lunch first. Je veux d'abord déjeuner. Couper. I am going to cut the cake in 10 slices. Je vais couper le gâteau en 10 parts. Tenir. Here, this is for you. Tiens, c'est pour toi. Vite. He answered very quickly. Il a répondu très vite. D'abord. I want to have lunch first. Je veux d'abord déjeuner.